mis des bougies sur le gâteau et gonflé des ballons, acheté des cadeaux. On a mis de la musique et éteint les lumières pour chanter et crier bon anniversaire. C'est mon anniversaire, on va bien s'amuser. C'est mon anniversaire, on va bien rigoler. C'est mon anniversaire, je vais avoir des cadeaux. C'est mon anniversaire, ah, que ce jour est beau. On a sorti les confettis et les cotillons, accroché des banderoles et aussi des ballons. On a mis des costumes de clowns et de corsaires pour danser et crier bon anniversaire. C'est mon anniversaire, on va bien s'amuser. C'est mon anniversaire, on va bien rigoler. C'est mon anniversaire, je vais avoir des cadeaux. C'est mon anniversaire, ah, que ce jour est beau. C'est ton anniversaire, tu vas bien t'amuser. C'est ton anniversaire, tu vas bien rigoler. C'est ton anniversaire, tu vas avoir des cadeaux. C'est ton anniversaire, ah, que ce jour est beau. C'est mon anniversaire, on va bien s'amuser. C'est mon anniversaire, on va bien rigoler. C'est mon anniversaire, je vais avoir des cadeaux. C'est mon anniversaire, ah, que ce jour est beau. C'est mon anniversaire, on va bien s'amuser. C'est mon anniversaire, on va bien rigoler. C'est mon anniversaire, je vais avoir des cadeaux. C'est mon anniversaire, ah, que ce jour est beau. C'est mon anniversaire. C'est mon anniversaire.